Comme moi, les yeux rouges. On reste en marge, on reste soi. Il paraît que la planète se bouge. Je me sens à part, je ressens pas les secousses. Yeah. Le cœur noir, les yeux rouges. Je crame la planche, puis crame la scène, ouais. Le dessin y a celle-là. C'est un patin sur la sellette. On reste en marge, on reste sourd. Même si on a dit qu'on allait s'aimer. Il paraît que la planète se bouge. Je me sens à part, non, je sens pas les secousses. On voulait juste tout niquer, basta. On se retrouve alcoolisé, c'est parce qu'on disait c'était le passage. Non, on voulait pas ça, qu'on se tire du pain stable. Je passe, mais je suis qu'un fantôme, pas la peine de libérer le passage. On devient invisible. Mais au fond, je suis tranquille au fond. Se fond dans le décor, puis c'est les décors qui nous font. Je suis réveillé depuis l'eau. Bah, j'ai décollé, je suis mauvais pilote. J'encaisse, t'inquiète, c'est pas grave. Enfin, parle dans la tempête, non, non, je fais pas de fac. Je tombe dire que je me crois ici haut. Assis sur le pont, je quitte au loin quand j'attends les signaux. On a cessé de se parler, donc cessé de se comprendre. Apprendre un enfant à nager sans l'avouer. Ouais, cessé de se parler, donc cessé la confiance. On pesait par moments, on s'aimait sans l'avouer. Je sors de moi sans moi, je monte comme mon père. Son ouvert, je veux que la terre se tire dans le crâne vers chacun sa version. C'est peut-être l'inverse, sans y'a personne. J'attends la plus seule sous la verge, sonne. J'ai tous des horreurs, on fait tous des erreurs, on a tous des remords. On a tous fait nos preuves, quand je rencontre les épreuves, encore je pousse le record. Je pars pour les baratons, fais vraiment les bons choix. Je suis pas mort avant la tombe, avant de leur mettre en face. Je pars pour un autre monde, ma vie au pile ou face. Je bois, je cours un marathon, j'écris mes meilleures phases. Les pieds dans le ciment, sont un peu l'ancien. Du bien, on n'a pas la science, ou on gueule en silence. Je pars pour les baratons, fais vraiment les bons choix. Je pars mort avant la tombe, avant de leur mettre en face. Je pars pour un autre monde, ma vie au pile ou face. Je bois, je cours un marathon, j'écris mes meilleures phases. Grosse d'original, ma vue poteau, j'ai mal. J'apprends à schéma, j'ai pas un schéma. Non, je regrette pas tout ce qu'on a tant fait. En cause contre la monde, je regrette tout ce que j'ai pas fait. Et puis ce qu'on a raté, et puis ce qu'on a pas fait. Là, c'est l'heure de reprendre les investissements et l'âme dans le café. On connaît à 6h les palettes, à 10h les canettes. Je me sens si seul assis sur ma planète. Encore 6h à paraître, on m'a parlé de rêve, j'ai vu qu'un viseur apparaître. J'ai passé de bon temps, j'ai passé de souvenirs. Pense à l'argent, c'est que ça va pas suffire. Personne content, pourtant je vois les sourires. Un dernier montant pour son dernier soupir. Pardonne pas, trop droit pour la masse. C'est la fois où les principes qui te font tenir debout. Abandonne pas, faut que l'amour j'amasse. Mais mon cœur un récipient qui peut contenir deux gouttes. J'parle sans un mot, frappe dans la malle. Pour tout j'parle au vide, crois pas que j'ai assez de réponses. On m'a déçu, mais là j'ai passé l'éponge. Puis c'est la haine à marcher dessus, j'vais pas réparer les ponts. Toujours parti des bons, pierre sur la main. Je vais partir sur la mer et je préviens de personne. Au fond de la poche, compte mes derniers persos. Demain j'arrête, dixième fois que j'allume mon dernier perso. Je m'en bats, cherche une auréole. Jamais rien à foutre d'être couronné. Je crache et je mets le cœur sur off. Elle demande de l'amour, mais j'ai déjà tout donné. Je sais qui sont les frères, je sais qui sont les collègues. Le mal est fait à se demander ce qu'on aime. Personne pour se venger, on s'est vengé quand même. Le vide pour se venger, on s'est forgé quand même. Je parcours les baratons, fais vraiment les bons choix. Je suis pas mort avant la tombe, avant de leur mettre en face. Je pars pour un autre monde, ma vie au pile ou face. Je bois, je cours un marathon, j'écris mes meilleures phases. Les pieds dans le ciment sont un peu l'ancien. Du bien, on n'a pas la science, ou on gueule en silence. Je parcours les baratons, fais vraiment les bons choix. Je pars mort avant la tombe, avant de leur mettre en face. Je pars pour un autre monde, ma vie au pile ou face. Je bois, je cours un marathon, j'écris mes meilleures phases. Grosse d'original, ma vue poteau, j'ai mal. J'apprends un schéma, mais j'ai pas le schéma. Le cœur noir, les yeux rouges.